whenever we see a new sight or feel a new sensation. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, mais pas pour la même raison que les autres. Est-ce que tu as des rêves? Ça va. Très bonne question, je ne me suis même pas posé la question. C'est pas forcément dans les rêves, je crois que je pourrais pas parler des rêves, mais effectivement au niveau des sensations, les sensations sont carrément différentes sur mer et à terre. Il y a tout ce côté attraction terrestre qui agit moins sur ton corps, le côté composition de l'eau aussi qui rappelle un peu le plasma. Et en fait, le fait de voguer, larguer des amarres, ça amène aussi une dimension assez unique, on va dire. Et puis la vitesse de déplacement aussi est assez harmonieuse. Et le fait de cette communion un peu qu'on a avec les éléments, que ce soit l'eau, l'air, le soleil, tout ça, c'est... on se sent en communion avec ce qui nous entoure. Voilà. Et nous, les marins, il y a différents proverbes qui, moi, que j'aime bien, et en tout cas, il y en a un, c'est il y a les morts, les vivants et ceux qui naviguent. On sait quand on part, mais on ne sait pas quand on arrive. Et puis l'autre aussi que j'apprécie bien, c'est il n'y a pas de bons marins, il n'y a que des vieux marins. Voilà. Dit que si on est vieux et qu'on est encore marin, c'est que bon, on n'était pas si mauvais. Voilà. Et puis voilà, il y a aussi cette réalité d'avoir accès quelque part à tous les continents, et que grâce à la mer, ça relie aussi tous les continents. Et quand on ouvre quand on est en mer, les logiciels qui existent, c'est une ouverture sur le monde, hein. C'est une carte du monde qu'on ouvre, et que quand on est sur la route ou en chemin, c'est généralement une carte de l'endroit où on est. Le maximum qui existe en Europe, c'est des atlas routiers sur l'Europe, mais il y a le seul endroit où il y a des cartes du monde, c'est sur un bateau. Voilà. Dans la forêt de son où nous évoluons aveuglément chaque jour, on trouve parfois d'étranges créatures avec des idées plein la tête. Sous leur beauté diaphane, une pouponnière des plus belles utopies, et dans leur voix ensorceleuse des rêves prémonitoires pour des jours meilleurs. Laissez-vous bercer par leur étrange mélopée, elles vont vous emmener à bord du bateau de Yord, le marin qu'on vient d'entendre, sur le chemin du rêve. Pas besoin du marchand de sable, on se débrouille très bien sans lui, et déjà dans les studios de Radio Dio, il y a des rêves qui s'élèvent et qui dansent. Ils dansent quoi d'abord? Est-ce qu'il y a un anthropologue du rêve ici? Enfin, des rêves, parce qu'il y en a plein. Est-ce qu'on peut parler d'une banque du rêve? Mais décidément, le mot banque fait toujours tache à côté du mot rêve, non? Qui sont les marchands de rêves? Faut-il que ce vocabulaire capitaliste colonise nos rêves? Ne pouvons-nous pas rêver d'autres mots, d'autres mondes? Aujourd'hui, sur Radio Dio, on ne vous vend pas du rêve, non, tout est gratuit, tout est offert. Servez-vous et gardez-en un peu pour les absents. Prenez votre plus beau plaid à rêver et laissez-vous mener. Vous êtes avec les baladeuses, on vous décolonise les rêves, on vous connecte l'imaginaire. Vous reprendrez bien un peu de réel. Merci, mais non merci. Pendant 1h30, vous êtes avec les baladeuses le 4e mercredi de chaque mois à 10h sur Radio Dio. Et aujourd'hui, il y a encore des absents, et surtout une absente présente, la délicieuse Ursula Le Guin. En voilà une qui s'est rêvée, elle a même inventé un peuple de rêveurs dans Le Nom du Monde et Forêt. Ursula s'entretiendra avec nous au micro de nos rêveuses, Juliette et Sophia. Et on écoutera aussi Anna qui réalise son rêve. Elle nous parlera en direct si tout fonctionne. Et notre danse radio guidée nous connectera à l'ingrédient essentiel pour rêver, les étoiles. Vous voyez ses yeux bouger sous ses paupières ? C'est ainsi qu'ils ont d'abord déterminé cette période du sommeil durant laquelle on rêve dans les années 30. Ils l'ont appelé le sommeil avec mouvement oculaire rapide pendant des années. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est une troisième condition. Son système autonome entier est mobilisé tout autant que pour un moment agité de son état vigile. Mais son tonus musculaire est à zéro. Les grands muscles sont encore plus relâchés que durant l'état S. Les aires corticales, subcorticales, hippocampales et pontiques sont aussi actives que pendant l'éveil, bien qu'elles soient au repos durant l'état S. Sa respiration et sa pression sanguine sont aussi élevées que pendant l'état vigile, ou même plus. Tenez, prenez son pouls. 80 ou 85, c'est un rêve agité. Vous voulez dire qu'il est en train de rêver ? Bien sûr. Est-ce que toutes ces réactions sont normales ? Absolument. Nous faisons tout ça chaque nuit, 4 ou 5 fois, pendant au moins 10 minutes à chaque fois. Alors, comme dans le texte d'Ursula Le Guin qu'on vient d'entendre, combien de fois, Sophie, as-tu rêvé cette nuit ? Je me souviens pas, en fait. Et toi, Juliette, t'as rêvé cette nuit ? Moi, il me semble, mais j'ai un peu de mal à m'en souvenir, mais c'était assez agité, en effet, comme dans l'extrait que tu viens de lire de l'autre côté du rêve. Et nos invités, alors à quoi rêvent-ils ? Je ne sais pas à quoi rêvent Antoine et Antoine, mais je sais qu'ils vendent des rêves, oui, sous forme de papier, plus communément appelé des livres. Alors Antoine, qui es-tu ? D'où viens-tu ? À quoi rêves-tu ? Eh oui, ce qui est difficile quand on s'appelle tous les deux Antoine, c'est qu'on ne sait c'est pas. C'est ça, on ne sait pas qui je m'adresse, mais je lance une donc bouteille. Donc là, il y a eu un truc bizarre où on s'est tous les deux regardés en disant « à toi voilà. ». Bon. Eh bien, je commence. Moi, je suis un déserteur d'industrie qui est devenu coopérateur en librairie. Et à quoi je rêve ? Je crois que je rêve de vivre au moins une minute dans cette vie sans société capitaliste et industrielle. Voilà. Libéré de ça. Et j'espère que je le vivrai un jour. Et toi, Antoine ? Eh bien, moi, je travaille en librairie à Saint-Étienne et à quoi j'ai rêvé la nuit dernière ? Bonne question. Peut-être au fait que j'allais rater mon réveil et ne pas être là ce matin. Mais sinon, mon sommeil est généralement pas trop agité. Ok, alors on reviendra avec nos invités pour se demander s'il y a une littérature du réel ou une littérature de l'imaginaire. Et pendant qu'ils composent leur copie, laissez-moi vous raconter comment a résonné ce rêve. Quand j'ai préparé l'émission, j'avais en tête un vieux livre d'enfant que j'exhume ici dans les studios de Radio Dio. Il s'agit des Métiers du ciel, un conte de Jacques Flamand. En Incipit, il écrivait « Aux enfants qui habitent leurs rêves, aux adultes qui rêvent de rêver ». Alors, ce conte répertorie 10 des plus importants métiers et occupations du ciel, parmi lesquels habilleur de lune, parfumeur de fleurs, chausseur d'étoiles, assembleuse d'arc-en-ciel, éclaireur de galaxies, etc., etc. Et un 11e qui m'est très cher parce que celui-ci, je sais qu'il existe vraiment parce qu'il partage ma vie, le regardeur d'aurore. Alors, je vous invite à fouiller les bibliothèques parce qu'en plus d'être merveilleusement poétique, ce livre est une vraie forme d'utopie. Donc ça, c'était pour la séquence nostalgie, mais bien sûr que oui, mon cerveau a adoré se faire des nœuds dans tous les sens, beaucoup sous forme de questions. En fait, je n'ai aucune réponse. Je crois que je n'arrive toujours pas à circonscrire l'espace du rêve, mais j'ai l'impression qu'il prend bien ses aises, en tout cas chez moi. Allez, je vous balance du rêve. Quel est ce territoire du rêve ? Commence-t-il quand le rideau se lève ? Doit-on dire une cartographie du rêve ou une cartographie des rêves ? Et d'abord, comment cartographier quelque chose qui n'a aucune limite, hormis peut-être celle qu'on veut bien s'infliger ? Peut-on se prêter des rêves et comment devenir bibliothèque du rêve ? Alors, y a-t-il des géographes du rêve ? Est-ce que géographe du rêve est sur Parcoursup ? Quelles études faut-il faire pour être marchand de sable ? Utopiste, est-il un métier ? Peut-on vivre de nos rêves ? Tenez-vous un journal du rêve, de vos rêves ? Et que faire des cauchemars ? Freud se souvenait-il de ses rêves ? Quel est ce rêve qui m'habite aujourd'hui pour mieux vivre demain ? Y a-t-il une frontière aux rêves ? Les rêves parlent-ils tous la même langue ? Est-ce qu'on peut dire une rêve ? Est-il encore possible de rêver à plusieurs ? Volez-vous beaucoup dans vos rêves ? Que préférez-vous faire ? Faites-vous des choses réelles, banales ou incroyables ? Vous arrive-t-il par exemple de manger de la blanquette de veau dans vos rêves ? Rêvez-vous beaucoup de nourriture ? Et que penserait Freud de tout ça ? Faut-il dormir pour rêver ? Aimez-vous rêver éveillé ? Depuis l'investiture du président Macron, vous rêvez, petit A, de moins en moins, petit B, de plus en plus, petit C, vous faites des rêves inavouables, petit D, vous rêvez beaucoup de petits pandas. Et oui, les rêves, c'est aussi absurde que cela parfois, et surtout, un questionnement spécial nuit blanche. Où vont les rêves quand ils ne nous habitent pas ? Prennent-ils des vacances, des congés payés ? Vont-ils à la retraite ? Les rêves rêvent-ils ? Les rêves meurent-ils un jour ? Vous êtes sur Radio Dio, les baladeuses parlent aux rêveurs et aux rêveuses. Les baladeuses. Et des questions. T'en as pas des questions, tu m'en poses jamais. Cassé, reconstruit. Savoir exactement. Il est comment ? Ça dépend des jours, du bleu qu'il fait. C'est quoi ces conneries ? Ça vient du regard. En mauvais état, le regard. Dans l'état des choses. Lily ? Oui. C'est toi qui écris ? Non. Alors c'est moi. Non plus. Alors c'est qui ? Tu m'entends là ? Personne en particulier. Quelqu'un en général. Tu t'appelles comment ? Quand tu dis je, alors tu dis quoi ? Non plus. Je, ça dit pas. Je, ça fait dire. Je. Non plus. Quand tu dis je, alors tu dis quoi ? Je, ça dit pas. Je, ça fait dire. Et des questions. Quoi ? T'en as pas des questions, tu m'en poses jamais. Non, j'en ai pas des questions. Pas qui sauve. Deux expressions. Huit mots, exactement. Le morceau de Lily Frick, F-R-I-K-H, qui s'appelle « Tu t'appelles comment ?» et qui est issu d'un album qui porte le même nom qu'elle a réalisé avec l'artiste vivant à Berlin, Brieux Le Meur. On retrouvera toutes les informations sur cet album dans notre page des baladeuses quand on aura lancé le podcast. Et alors, les Antoines, on sait que vous vous appelez Antoine, donc je ne vais pas dire tu t'appelles comment. Mais le rêve, dans tout ça, ça vous fait quoi ? Eh bien, peut-être comme Julie l'a dit, c'est pas facile de circonscrire, de définir cet espace du rêve et du rêver. Du coup, moi, j'étais venu avec ma propre définition, comme je trouvais rien qui m'allait dans un dictionnaire. Du coup, j'aurais défini le rêve et l'action de rêver comme le moment où le mouvement ou l'être cède, succombe ou échappe à la pesanteur du réel. La pesanteur en un ou deux mots, après tout. Le rêve défie souvent les lois de la pesanteur. C'est pourquoi, dans nos rêves, il est souvent question de chute ou d'envol. D'ailleurs, j'étais venu avec un premier livre qui était celui d'une philosophe espagnole du XXe siècle, qui n'est pas très très connue mais qui est importante, qui s'appelle Maria Zambrano. Et elle a un chapitre qui s'intitule « La chute », parce que le mouvement premier de l'homme ou de la femme qui rêve, c'est bien celui-là, la chute. Elle dit « Le rêve chez l'homme, ou la femme, je rajoute, du fait d'être occultation totale est une chute. C'est une chute par le fait de s'abandonner d'abandonner la réalité et de s'abandonner soi-même. Ce glissi se glisser ici parmi les corps comme un corps de plus, se rendre corporel, céder et obéir à la gravité. Ce qui est souvent de paradoxal, c'est que quand on, tu l'as dit Julie en introduction, quand on se met à rêver, quand on tombe dans le rêve, le corps paradoxalement devient lourd et en même temps, il flotte quelque part dans les songes. État paradoxal d'un corps inanimé qui souvent se prend à voler et à défier les lois de la pesanteur. Face à ça, que peut le philosophe je vais citer un philosophe que j'aime bien, qui s'appelle Dionys Maskoulo, qui nous dit dans son journal, dans des extraits d'un journal qui vient de sortir, « Seul antidote de pensée qui détruit le réel, la poésie. Elle seule compense le néant, disant les choses à partir du rien, tandis que penser détruit les choses en partant du réel. C'est pourquoi le rêve a souvent à voir avec la poésie. » Et pour terminer cette petite introduction pour ma part et laisser la place et la parole à l'autre Antoine, je voulais convoquer, parce que j'ai bien fait mes exercices et je suis un peu scolaire, une voix de poète, celle du grand Charles Baudelaire, qui dans Les fleurs du mal a écrit un poème qui s'appelle La voix. Et je vais lire les derniers vers de ce poème que j'aime particulièrement. Derrière les décors de l'existence immense, au plus noir de l'abîme, je vois distinctement des mondes singuliers. Et de ma clairvoyance extatique victime, je traîne des serpents qui mordent mes souliers. Et c'est depuis ce temps que, pareil aux prophètes, j'aime si tendrement le désert et la mer que je ris dans les deuils et pleure dans les fêtes et trouve un goût suave au vin le plus amer. Que je prends très souvent les faits pour des mensonges et que les cieux, et que les yeux au ciel, je tombe dans des trous. Mais la voix me console et me dit « Garde tes songes, les sages n'en ont pas d'aussi beau que les fous. » Vous venez donc d'écouter la voix d'Antoine de la librairie « L'une et l'autre ». Et peut-être on va écouter l'autre Antoine d'une autre librairie que je vous invite à aller fréquenter au détour d'un voyage. Dans le Luberon. Exactement. Et c'est la librairie La Rumeur des Crêtes que donc je co-anime avec Sandrine, qui est l'autre coopératrice de cette librairie coopérative. J'espère que Sandrine nous écoute. J'espère, mais elle doit être au boulot aussi. Peut-être nous écoute-t-elle au boulot. Alors Antoine, pour toi le rêve? Bon, déjà, j'ai la pression, là, parce qu'Antoine, il a mis la barre très, très haute. Ouais, j'avoue, il a mis la barre très, très haute. Moi, j'ai l'impression d'avoir, du coup, pas vraiment bien travaillé, mais je vais quand même vous parler de... Mais peut-être partir de ce qu'Antoine disait sur la chute, là où moi, j'ai l'impression que le rêve, c'est plutôt quelque chose qui peut aussi permettre de s'arracher et de s'élever, de se sortir de... Bah, d'un état qui est l'état de la vie collé au réel, où on est... où justement on ressent cette pesanteur sur nous qui nous colle aux choses, qui nous colle à la vie. Et moi, je vais parler un peu de moi, parce que ben voilà, je suis invité à la radio, donc je vais faire comme les gens qui sont invités à la radio, je vais parler de moi. Et j'ai dit en introduction que j'étais un déserteur d'industrie, et c'est que j'ai quitté l'industrie, j'ai eu quelques années de ma vie où j'ai travaillé en tant qu'ingénieur. Et j'ai retrouvé, quand je suis monté dans ma bibliothèque pour aller voir mes livres, parce que c'est quelque chose d'important pour moi de me retrouver dans cette bibliothèque et de me dire, bon, qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette bibliothèque? Et ben, j'ai cherché, je me suis dit, bon, le rêve. Et je me suis dit, je sais pas par quel bout je vais le prendre. Et en fait, je suis tombé sur un livre qui m'a fortement marqué au moment justement où j'avais envie de déserter ce monde mort de l'industrie. C'est un livre d'un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler, qui s'appelle « Dans la disruption, comment ne pas devenir fou ?» Car moi, dans les livres, j'ai souvent cherché des réponses à des questions et la situation dans laquelle j'étais me rendait un peu fou, puisque... 8 heures par jour ou moins parfois, parce que les ingénieurs bossent pas tant que ça, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je continue dans cette voie? Pourquoi je me sens de plus en plus écartelé, de plus en plus en dissonance avec des choses beaucoup plus profondes à l'intérieur de moi? Et donc ce livre, « Comment ne pas devenir fou » m'avait attiré. Et c'est marrant parce que quand j'ai repris ce livre dans ma bibliothèque, je l'ai gardé parce que vraiment ça a été un livre important pour moi, même si aujourd'hui je pense que je pourrais le critiquer sous plein d'aspects. Mais je l'ai ouvert et en fait, j'ai vu que le mot rêve revenait partout, notamment dans le sommaire, mais aussi la conclusion qui s'appelle « Faisons un rêve ». Et cette conclusion, les derniers mots de ce livre, c'est une citation d'un conseiller de Myriam El Khomri, parce que ce livre est sorti en 2016, et c'était en plein moment de la lutte sociale contre la loi travail de Myriam El Khomri. Et ce conseiller de Myriam El Khomri a démissionné et a fait une tribune dans Le Monde pour expliquer son geste. Et les mots qu'a retenu Bernard Stiegler de cette tribune, c'était « Pour faire de la politique, il faut rêver ». Et donc, quand j'ai cherché des liens avec le rêve, ça m'a ramené tout de suite sur un terrain que j'apprécie particulièrement, qui est beaucoup moins poétique que ce qu'a dit Antoine, mais qui est la politique. Et donc, je me suis reposé cette question de faut-il rêver pour faire de la politique ? Et aujourd'hui, je crois bien que oui. Et dans ce livre de Bernard Stiegler, bien sûr, il parlait aussi de Freud, de tout son travail sur les rêves. Freud qui disait, donc j'ai repris sur le rêve de Freud, et il disait que le rêve nous parlait de l'avenir que nous aimerions voir arriver. Et donc ça m'a fait partir ensuite vers l'utopie, et peut-être qu'on pourra en reparler oui. plus tard dans l'émission. Mais cette utopie, j'ai circulé dans ma bibliothèque, j'ai trouvé un petit livre qui s'appelle « Utopie » de Thomas Boucher aux éditions Anamosa. Et régulièrement dans ce livre, il y a des phrases qui sont mises en gras, et l'une des phrases c'est « Si les utopies se nourrissent de rêves ou d'espérance ou d'optimisme, il est à l'inverse difficile d'en repérer la moindre trace dans les mondes où l'imagination est martyrisée. » Et ça, j'ai trouvé que c'était... Enfin, en tout cas, ça me touchait, car j'ai vraiment l'impression qu'on vit dans des mondes aujourd'hui où l'imagination est martyrisée. Et on pourra peut-être parler aussi de comment les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui martyrisent les conditions mêmes de l'émergence des rêves. On a du mal à dormir, on a du mal à prendre le temps, à s'ennuyer, à contempler. Et on pourra en reparler, mais je pense que c'est les germes du rêve qu'on supprime. Ouais, je pense qu'on a des anthropologues du rêve aguerris qui s'ignorent dans les studios de Radio Dio. Super. Conversation avec un absent présent. Conversation avec une absente présente. Juliette, tu nous as amené une absente prestigieuse, puisqu'il s'agit de... Ah bah d'Ursula. D'Ursula, le... Alors, le... On verra ça, l'histoire du nom. Hein. Mais déjà, Ursula Le Guin, je vous en prie. Joyeux anniversaire. Ursula. Joyeux anniversaire. Oh, avec 8 jours de retard, hein, désolé. C'est le décalage avec la Californie. Hein. Bravo! Le 21 octobre, vous auriez eu 96 ans. Bah, et oui, vous ne les faites toujours pas. Ursula Krober Le Guin. Le Guin, Le Guin. C'est le nom de votre mari aux origines bretonnes et vous aimez qu'on prononce votre nom à la bretonne, Le Guin. C'est aussi le jour du Prize for Fiction créé en votre hommage en 2022, récompensant une autrice ou un auteur de fiction. Reine de la littérature de l'imaginaire, comme on dit. Et pas seulement de science-fiction, genre auquel on vous cantonne souvent. Alors que vous avez écrit des poèmes, des essais, des livres pour enfants et adolescents, et bien sûr, des romans. Certains réunis en cycles comme « Terre-mer » ou « Le cycle de l'écumène », fiction avant tout. La fiction comme une mise à l'épreuve de la pensée. Je souhaite que nos enseignements, nos lectures, nos critiques célèbrent cette liberté, cette libération de la pensée. Je souhaite qu'à la place de chercher un message à l'histoire que nous lisions, nous pensions « Voici une porte s'ouvrant sur un nouveau monde. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir y trouver ?» Née à Berkeley, en Californie, en 1929, de parents anthropologues, vous faites des études de lettres et grâce à une bourse, vous passez une année à Paris. Votre thèse porte sur Les idées de la mort dans la poésie de Ronsard. Inspirant, non ? Vous vous installez à Portland, dans l'Oregon, en 1959, et vous n'en bougerez pas. Vous avez aussi des études d'ethnologie à votre actif, mais c'est vers l'écriture que vous vous orientez très jeune. Il faudra une quinzaine d'années d'écriture et de refus de manuscrits pour que votre carrière décolle avec « La main gauche de la nuit » de Left Hand of Darkness, publié en 69. En parallèle de l'éducation de 3 enfants, vous dites... Une personne ne peut pas élever 3 enfants et écrire à plein temps. Pas possible. Mais 2 personnes, ensemble, peuvent travailler et élever des enfants en même temps. Bel hommage d'une autrice envers l'action de son mari. On a rarement entendu l'inverse. Housekeeping. The art of infinite is no game for amateurs. On pourrait traduire votre phrase par... L'art ménager, cet art de l'infini n'est pas pour les petits joueurs. Et cette main gauche qui sort dans la nuit de la contre-culture à la fin des années 60, qu'est-ce qui la caractérise ? Pourquoi marque-t-elle tant ? Sur la planète Nivose, le genre n'existe pas. En tous les cas, pas comme il existe sur la Terre. Il est fluide. Alors là, très très fluide. Quand vous êtes en prise avec le kéma, cette période de transformation pour la copulation et la perpétuation de l'espèce, vous pouvez devenir soit homme, soit femme, puis revenir au bout de 3 ou 4 jours à votre position androgyne initiale. Et l'autre côté du rêve, publié en 1971, un extrait à nouveau. Depuis qu'il avait été contraint de s'intéresser au problème, l'impossibilité pour l'esprit de se souvenir de la plupart de ses rêves l'avait toujours intrigué. La pensée inconsciente, dans la première enfance comme dans le rêve, n'était apparemment pas accessible à la mémoire consciente. Mais était-il inconscient durant l'hypnose ? Pas du tout. Parfaitement éveillé, jusqu'à ce qu'on lui ordonne de dormir. Alors, pourquoi ne pouvait-il s'en souvenir ? Cela l'embêtait. Il voulait savoir ce que faisait Haber. Le premier rêve de cet après-midi, par exemple. Le docteur lui avait-il simplement dit de rêver encore du cheval ? Et il avait ajouté lui-même le crottin, ce qui était embarrassant. Et peut-être Haber avait-il eu de la chance de ne pas se retrouver avec un gros tas de merde fumant sur le tapis de son bureau. De l'autre côté du rêve raconte l'histoire de George Orr, qui fait des rêves qui ont un impact dans la réalité. Et il va voir un médecin, M. Haber. Et c'est toute cette aventure entre eux deux, puisque ils essayent à chaque fois, Haber en fait, essaye de récupérer le pouvoir de George pour pouvoir créer un monde à son image. Ce que vous aimez faire, Ursula, c'est imaginer. Imaginer des univers qui, à un moment ou à un autre, vont aborder des questions sociales criantes pour nos sociétés grâce au truchement de la fiction. Comme dans Les Dépossédés, où l'on apprend que le personnage principal est noir au bout de 150 pages. Le principal élément de mon roman Les Dépossédés est une variété d'anarchisme pacifique. Un exemple type d'idéologie politique yen. L'anarchisme récuse la confusion entre société et État, pouvoir et coercition. À la violence inhérente aux sociétés chaudes, elle oppose la valeur de comportements antisociaux tels que le refus féminin de s'armer en temps de guerre. Dans ce domaine, anarchisme et taoïsme convergent sur le fond comme sur la forme, et c'est là que dans ce livre je viens jouer à mes jeux de fiction. Épreuve de pensée, laboratoire, la fiction comme une manière de comprendre et de décrire les incroyables réalités de notre existence. Vos préférés ? Dickens, Darwin et Virginia Woolf. Une chambre à soi, offerte par votre mère, et 3 guinées vous marquent. Votre mère, qui se met à écrire une fois toute la maisonnée envolée, a plus de 50 ans. Dans « Danser au bord du monde », mots, femmes, territoires aux éditions de l'Éclat en 2020, un recueil qui rassemble discours, préfaces, allocutions et articles, vous écrivez en 1986. Qui a peur de Virginia Woolf ? Tous les spécimens de machos en voie de disparition, tels le dodo. D'Hemingway à Norman Mailer. Il n'y a pas d'acte plus subversif que celui d'écrire du point de vue de l'expérience féminine, en employant le jugement féminin. Virginia Woolf le savait, elle l'a dit dès 1930. Nous l'avons oublié et il a fallu tout réapprendre dans les années 60. Mais depuis une génération, des femmes écrivent, publient et se lisent mutuellement dans un bain de solidarité artistique, intellectuelle et féministe. Si nous poursuivons dans cette voie, en l'an 2000, nous aurons, pour la première fois dans l'histoire, maintenu en vie et en toute conscience les perceptions, les idées et les jugements des femmes pendant plus d'une génération, en en faisant une force active et créative au sein de la société. Nos filles et nos petites filles ne seront pas obligées de tout reprendre à zéro comme nous. Perpétuer la vitalité et la puissance des textes, des œuvres des femmes, voilà ce qui, pour moi, constitue notre mission d'écrivaine et de lectrice pour les 15 prochaines années. Et les 50 prochaines aussi. Ursula ? Ursula Le Guin ? Je peux vous appeler Ursula ? Nous allons continuer. On vous balade, on vous éclaire, on vous caresse le cerveau et le cœur. Vous écoutez les baladeuses. I think hard times are coming when we will be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now. Les temps difficiles sont en train d'arriver, qui nous demanderont d'écouter les voix d'écrivains qui pourront voir des alternatives à la manière dont on vit aujourd'hui et qui verront à travers nos sociétés sinistrées par la peur et ces technologies obsédantes d'autres façons de vivre et même imaginer des fondations pour l'espoir. Nous aurons besoin d'écrivains qui se rappelleront la liberté, des poètes, des visionnaires, of a larger reality. Les réalistes d'une plus large réalité. Un extrait du National Book Award 2014, le discours de Ursula Le Guin. Je m'appelle Efia Göbörek, je suis danseuse et chorégraphe avec la compagnie Djalma Primordial Science. Ma recherche chorégraphique, se fondre dans la matière, questionne différentes frontières et tend de rendre ses limites plus poreuses, plus incertaines. Par exemple, la limite entre l'animé et l'inanimé, autrement dit entre le corps et l'objet, entre le corps et la matière, mais aussi entre le corps et son environnement. une autre zone d'exploration qui découle de ses premières, un endroit qui me fascine, c'est la frontière entre le quotidien et le rêve. Si vous me demandiez le pourquoi de cette recherche corporelle, je dirais pour m'ouvrir via le corps à d'autres façons d'être au monde, pour sortir d'une anesthésie du quotidien, anesthésie de notre existence contemporaine. Ce travail que je mène depuis presque 25 ans se passe souvent sous forme de stages intensifs de 3 à 7 jours, avec des participants qui sont des danseurs, des non-danseurs, des comédiens, des soignants, et simplement des gens curieux d'arpenter des espaces intérieurs du corps humain. Ensemble, nous allons d'abord passer beaucoup de temps à éveiller les perceptions sensorielles, à baigner dans cette sphère de notre conscience, en doigt préverbal, archaïque, une partie de nous qui s'est développée quand nous étions encore dans le ventre de notre mère, qui existait bien avant que notre identité soit apparue. À travers le mouvement, on va éveiller les sensations de notre enveloppe de peau, notre vêtement de muscles, notre architecture osseuse, des liquides et organes, la respiration, la vue, lui. Puis on va chercher à croiser ou à confondre les canaux perceptifs. Si l'enveloppe de peau pouvait voir comme un œil géant ou comme une matière photographique, si notre peau était texturée comme une langue et cette peau goûtait des surfaces, ou si des yeux pouvaient toucher à distance forme et couleur. Alors nous invitons l'imaginaire à rentrer en jeu, à rendre possible l'impossible. L'imaginaire comme une extension de nos perceptions, nos sens portés au-delà de notre corps. Là où je n'arrive plus à percevoir, alors j'imagine. Souvent l'imaginaire est considéré comme une faculté mentale isolée, un type de tiroir rangé bien haut dans le cerveau. Mais l'imaginaire appartient au corps entier. Et si l'imaginaire était un muscle, alors un muscle tristement atrophié dans notre vie d'adulte, alors on l'entraîne. Nous pouvons imaginer que notre corps devient une goutte d'encre bleue, et cette goutte d'encre bleue se dissipe lentement dans l'eau, mains, bras, jambes ne sont que de l'encre bleue. Le cerveau, de l'encre bleue qui se dissipe en spirale et volute. Comment ce corps se déplace? Comment il marche? Ou si on allait s'asseoir et notre corps était un glacier qui fonde à travers des années et des années? Ou si on était immobile, le corps pourrait être une pierre et c'est bien le monde qui s'agite autour d'elle. À partir de ce moment, je pourrais vous poser la question. How do you know that you're not dreaming? Comment savez-vous que vous n'êtes pas en train de rêver? Autrement dit, et si vous étiez en train de rêver en ce moment même? Dans ce jeu de rêve éveillé, quelque chose bascule dans notre façon d'écouter le monde. On devient plus sensible aux petits détails. Les couleurs deviennent plus vives, plus vibrantes, notre peau plus sensible aux changements de température. Les sons proches ou lointains deviennent la bande sonore pour ce rêve. On prête attention aux reflets, aux ombres, à ce qui bouge, à ce qui reste immobile. Une nuée d'oiseaux passe au-dessus. Est-ce porteur de sens? Et vous, assise en face de moi? Si je suis en train de rêver, vous êtes dans mon rêve. Et possiblement moi, je joue un rôle dans votre rêve aussi. Ici, nous trouvons d'autres façons de cohabiter le monde, d'autres modes de communication, d'autres résonances. Alors, vous venez d'écouter la voix d'Efia Guberek, donc qui a monté la FabCa, si certains connaissent, à Saint-Étienne. Et juste avant, on a entendu Vincent Valente, qui est son musicien accordéoniste. Et c'était une musique très particulière, puisque lors de ses ateliers, au milieu de la nuit, plutôt dans la deuxième partie de la nuit, il vient dans les dortoirs jouer cette musique-là. Et c'est ainsi que les participants se réveillent et commencent à improviser à la fois en étant dans cette recherche, donc ce qu'elle nomme entre rêve et réalité. Voilà, donc c'était vraiment une mise en situation. T'as pas vu ma baladeuse ? Les baladeuses ? C'est le quatrième mercredi du mois, de 10h à 11h30. On aura aussi un petit point sur le travail des FIA et les spectacles à venir, ainsi que Dans l'agenda tout à l'heure. Dans l'agenda. Voilà. Donc, retour sur le plateau avec nos invités Antoine et Antoine. Donc, l'un de la librairie, l'une et l'autre. Et l'autre, j'ai pas... C'est la librairie La Rumeur des Crêtes. Ah oui, La Rumeur des Crêtes, parce que vous êtes sur des crêtes. On n'est pas loin des crêtes du Luberon, hein, qui est un petit massif qui ressemble un peu au Pila. Crêtes au sucre. Crêtes de punk. C'est dans quelle ville ? Cadenay. Cadenay, ok. Ouais, c'est dans le Vaucluse, c'est le sud Luberon, comme on dit là-bas. D'accord. Et donc, on ne peut pas parler de... Il y avait donc, on a entendu Effia qui parlait un peu de se laisser aller, etc. Et donc, pour aller au rêve, il faut bien sûr à un moment donné se laisser aller pour aller au sommeil. Et donc, tu voulais Antoine du Luberon, de la crête. Mais né Antoine à la crête. Attention, ouais. J'y tiens. Ah bah, parfait. Donc, tu voulais nous lire un petit extrait de Jean Genot. Ouais, sur le sommeil. Oui, d'un texte qui, moi, pour moi, est très important, qui est à la lisière entre la fiction, l'essai, la poésie, enfin, ce genre de texte que Giono était capable de faire avant-guerre, qui est, je sais pas, à la fois en lien avec l'infiniment petit et proche et l'infiniment grand. Et dans ce livre, il y a toute une partie où il nous parle de cette planète Terre qui roule dans l'obscurité et qui va faire que une moitié de l'humanité, puis, enfin, progressivement, toute l'humanité va s'allonger et va plonger dans le sommeil et va lâcher ses activités diurnes pour aller vers cette phase où on va enfin pouvoir rêver. Alors, je vais vous lire un petit extrait. C'est au milieu d'une séquence où il suit un train, en fait, et ce train lui permet de décrire tous les territoires qui vont être traversés, et il va nous parler des hommes qui bordent ce train et qui petit à petit s'allongent pour s'endormir. De larges étendues de terre couvertes d'hommes allongés. Le bras ne sert plus qu'à tenir ce qu'on aime. Les mains ont lâché tous les fardeaux et tous les outils. Les politiques sont mortes. Les poétiques gonflent les sangs, comme les poissons gonflent les mers. Tous ces frères shakespeariens, allongés côte à côte. Aucun régime politique n'a pu donner aux hommes, en 1000 ans, la millième partie du bonheur que leur donne une nuit de sommeil. Ceux qui parlaient, ceux qui construisaient, ceux qui travaillaient, dorment. Ceux qui donnaient des ordres, dort. Celui qui exécutait les ordres, dort. Celui qui marchait devant, dort. Celui qui suivait par derrière, dort. Celui qui riait sur les chantiers, dort. Et ceux qui travaillaient avec des grimaces, dort aussi. Le plus endurci des politiques, la nuit l'a couché sur la terre avec une gifle de sommeil, comme une mère qui corrige son enfant un peu brutalement, mais pour lui apprendre à vivre. Et elle est obligée de le corriger tous les soirs. Et il n'apprend rien. Il est chaque jour l'ardent politique qui construit des sociétés de fumée. Et tous les soirs, la nuit vient, le gifle, il tombe, il s'allonge, il dort. Il s'allonge dans la fraternité shakespearienne des hommes qui enfin jouissent, tous ensemble, d'un immense bonheur commun. Alors voilà, Giono qui parle du sommeil. Oui, rêver d'un avenir commun. Alors du coup, on va faire une petite sorte de question-réponse. Voilà, tu as envoyé du Giono sur le sommeil et Antoine... Et bim voilà, et bim, moi j'apporte le texte de réponse à ce texte de Giono qui est un texte écrit aussi avant-guerre par un jeune auteur qui a 18 ans à l'époque et qui s'appelle René Daumal et qui pousse un cri de rage quelque part contre l'ensommeillement des sociétés et de l'homme. Un essai à la frontière de la philosophie et de la poésie qui nous invite à une seule chose, la révolte absolue. Le livre s'appelle « Tu t'es toujours trompé », il vient d'être réédité aux éditions Nocturnes. « Tu t'es toujours trompé. Comme moi, comme tout homme, tu t'es laissé glisser sur des pentes faciles et vaines. Ton esprit n'a voyagé qu'en rêve vers la vérité. La tentative que je te propose de faire avec moi peut se résumer en deux mots. Rester éveillé. Je t'ai d'abord demandé de t'éveiller, de constater ce dont tu as conscience présentement. Tel homme s'éveille le matin dans son lit. À peine levé, il est déjà de nouveau endormi, en se livrant à tous les automatismes qui font son corps s'habiller, sortir, marcher, aller au travail, s'agiter selon la règle quotidienne, manger, bavarder, lire un journal, car c'est en général le corps seul qui se charge de tout cela. Ce faisant, il dort. Pour s'éveiller, il faudrait qu'il pensât « Toute cette agitation est hors de moi ». Il lui faudrait un acte de réflexion. Mais cet acte déclenche en lui de nouveaux automatismes. Ceux de la mémoire, du raisonnement, sa voix pourrait continuer à prétendre qu'il réfléchit toujours, mais il s'est encore endormi. Il peut ainsi passer des journées entières sans s'éveiller à un seul instant. Songe seulement à cela au milieu d'une foule, et tu te verras environné d'un peuple de somnambules. De même qu'on ne peut pas vouloir dormir, car vouloir quoi que ce soit, c'est toujours s'éveiller. De même, on ne peut rester éveillé si on ne le veut à tout instant. Le seul acte immédiat que tu puisses accomplir, c'est t'éveiller, c'est prendre conscience de toi-même. Superbe texte. Merci Antoine pour cet extrait d'un livre qui vient de paraître d'un auteur ancien, en fait. Parce que c'est quoi ? C'est les années 30, René Dommal ? C'est les années 20-30, oui. 20-30, oui. Ouais. Il est mort en 45 ou quelque chose comme ça. Mort assez jeune, ouais. Il a écrit quelques textes un peu cultes aussi culte, hein. Qu'énigmatiques, comme le mot analogue, ouais. Comme la grande beuverie. Voilà, il était proche des surréalistes sans jamais avoir appartenu à leur groupe. Et c'est justement quelqu'un qui était intrigué par les limites de la perception. Il a fait des expériences sous psychotropes. Et ça aussi, ça a un lien. Il y a beaucoup de poètes qui ont cherché à retrouver, tout en gardant quelque chose, l'état de rêve. Parce qu'on sait que dans les rêves, il se passe des choses qui se passent pas quand on a tous nos esprits. Car, comme le dit encore Maria Zambrano, le rêve a à voir avec l'occultation. Si on ne ferme pas les yeux, on ne rêve pas. Et, et peut-être qu'on peut atteindre cet état avec quelques psychotropes. C'est vrai. Et sur l'occultation, moi, ça m'a fait penser, quand j'avais réfléchi au rêve, au fait qu'on est dans des sociétés où l'obscurité est de plus en plus rare. On a de plus en plus de mal à trouver des endroits où on est bien dans le noir, quoi. Et je sais pas, la lumière, on éclaire tout, tout le temps, partout. Et c'est vrai que ce truc de l'obscurité aussi, c'était un... Moi, j'y avais un peu pensé avant de venir. Ouais, parce que c'est vrai qu'au niveau artistique, on a fait des expérimentations autour des rêves, les surréalistes en premier lieu, mais d'autres aussi. On a des citations qu'Efia Gourbourek, qu'on a entendues, nous avait envoyées. Après, on en entendra peut-être... Une, il y a énormément d'artistes qui sont intéressés au sujet, mais après, au niveau sociétal, dans nos sociétés occidentales, c'est pas du tout le cas, alors que dans d'autres sociétés, ça va l'être. Je pense aux aborigènes, je pense à plein d'autres sociétés où, en fait, il n'y a pas de frontière entre le jour et la nuit, d'une certaine manière. Comme tu disais, le peuple somnambulique et puis le peuple nocturne. Ouais. Bah dans nos sociétés, en plus, on a ce truc un peu d'esprit scientifique qui veut étudier les rêves, qui veut les détricoter, qui veut en faire des signifiants et tout. Et moi, j'ai souvent ce débat avec ma chérie qui nous écoute, qui me dit que oui, ça signifie quelque chose. Et moi, parfois, j'ai envie de croire aussi que ça ne veut pas forcément signifier, que c'est peut-être simplement des résidus de signaux dans notre cerveau qui s'agglomèrent et qui donnent des choses... absurde, mais on n'a pas non plus à se sentir coupable de ce qu'on rêve. J'ai l'impression que c'est... Parce que la psychanalyse, parfois, j'ai l'impression qu'elle veut forcément mettre du signifiant sur tout ça, alors que moi, j'ai plus envie de croire que c'est aussi des expérimentations de notre cerveau qui fait des espèces de montages erratiques comme ça, de bribes de vie, et je me dis que c'est un peu magique. Ouais, c'est ce que nous dit... Je la cite encore parce que je l'aime beaucoup, Maria Zambrano, c'est que la vie... est indissociable de ces deux états de sommeil et d'état de veille. Il n'y a pas de frontière absolue, si ce n'est ce qu'elle dit, l'expérience du temps. C'est-à-dire ce qu'on vit à l'état de veille, on l'éprouve à travers l'expérience du temps, là où dans le rêve, le temps est aboli. On peut passer d'une frontière à l'autre. C'est vraiment ça qui va nous séparer de l'état de veille, de l'état de sommeil. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, Antoine, c'est pour ça qu'on peut aussi voir dans le rêve une continuation de ce qui a été vécu et qui nous apparaît en flash et pas forcément des déformations d'ordre refoulement psychanalytique. Bah, en fait, tout ça a pris du temps, hein, parce que ce soit dans l'Antiquité ou tout au long de l'histoire, il n'y a que vers le 17e, 18e qu'on commence à prendre le rêve pour... On le médicalise. En tout cas, on lui donne un signe qui est personnel, en fait, lié à chaque personne. Alors que pendant très très longtemps, c'était des prédictions, en fait. Soit des prédictions mythologiques, ou un rapport à Dieu. Bah, après, on sait aussi quand même qu'il y a... le rêve est personnel, mais il est aussi un peu sociétal. Enfin, il est ancré dans les sociétés, puisque, ne serait-ce... Moi, je pense à cette dame-là. Alors, j'ai noté son nom, parce que j'oublie les noms. Mais je vais essayer de le retrouver. Alors, attends, voilà, c'est Charlotte Berardi, qui avait, interrogé les gens entre 1933 et 1939 en Allemagne sur leurs rêves. Et en fait, elle a collecté leurs rêves, elle en a collecté plus de 300. Et surtout, ce qui était surprenant, ça a permis de voir qu'en fait, il y avait des groupes de rêves qui se retrouvaient chez les individus en fait, et que en fait il se peut très bien que, et ça c'est une science, enfin c'est quelque chose qui n'est pas réellement étudié. Alors si, il y a un sociologue qui a fait ce travail là, c'est Bernard Lahire qui a fait deux livres importants sur la question récemment, et le premier c'est l'interprétation sociale des rêves, où il montre très bien que dans l'individu, dans le singulier, il y a des plis du social qui sont déjà là, et que les rêves sont aussi l'expression de ce pli de social incorporé dans l'individu. Même en France, dans les années 70, il y a des sociologues, anthropologues qui ont fait une grande enquête aussi parmi la population, où ils ont interviewé énormément de gens, et ils ont fait une collecte de rêves. Ça me fait penser à un livre que j'adore, qui est Le Palais des rêves de Ismail Kadare, et qui est un livre, une sorte de dystopie dans lequel un employé d'une administration totalement bureaucratique, il n'y comprend rien, il ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il est dans ce palais des rêves où en fait un pouvoir autoritaire veut justement collecter tous les rêves de sa population pour être sûr qu'ils soient en ligne, et puis pour aussi apprendre des choses. Enfin, c'est vraiment l'étape, le rêve totalitaire ultime, de pouvoir aller jusque dans les rêves pour savoir ce qui s'y passe et pour pouvoir orienter ensuite la société. Bien, et là, donc, du coup, on va aller au Danemark pour rêver. Allez. Et pas avec... normalement, en Hollande, pardon, excusez-moi, c'est en Hollande qu'on va, et normalement, c'est une petite musique sur le rêve. Après une petite pause musicale, quand même. Voilà, mais c'est ça, mais c'est la petite pause. Je suis en train de, justement, d'annoncer le groupe hollandais, The Nits, donc qui est un groupe hollandais, et donc on va entendre The Dream. Walking down a sunny street in town in a dream. She was standing in the shadow of a tree in a dream. In my dream, invited me inside her house to see the walls were black, black and white, just like a woodcut printed down in a dream, in my turning. And the wheel is burning. On the table was a box of mica where I could see through. She said ruby, I said red, to me it looks like honeydew, like your skin too. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5. On est en train de se connecter avec Anna et on va pouvoir l'écouter bientôt en direct. Cinq minutes avec Anna, la baladeuse européenne. Citation de Jan Svankmajer. Qui lui est une artiste, réalisateur d'animation, plutôt animation d'objets et animation d'argile. Et il est tchèque. Prends sans cesse le rêve pour la réalité, et inversement. Il n'existe pas de passage logique. Entre le rêve et la réalité, il n'y a qu'un infime mouvement physique. Celui de fermer ou de ouvrir des paupières. Dans le rêve éveillé, il n'y a même pas cela. Alors, encore un peu de patience pour... on essaie de joindre Anna, qui est au Danemark. Et je vous propose de patienter avec nos invités et la chronique de Sophia. Le couloir est long, éclairé par le soleil qui traverse de grandes fenêtres posées au-dessus des murs. Il y a des porte-manteaux sur le mur et des portes. Fermées. Le couloir débouche sur le salon avec un grand canapé, de la moquette. Il y a une mezzanine aussi. Sur la table du salon, il y a des gâteaux apéritifs, des verres, un tourne-disque. Le disque est presque fini. Quoi mettre ensuite ? Tout le long du mur du salon s'étalent des étagères, des pochettes de 33 tours, toutes plus insolites les unes que les autres. Mais pas celle du disque qui vient de finir, et qui ne réclame qu'à retrouver son enveloppe de papier, puis celle de carton, avec ce dessin sublime et ce titre sublime. Mais la pochette de ce disque sublime qui maintenant s'est tue, la pochette est... tassé dans l'étagère qui recouvre le mur du salon. Et puis, quel était le titre et le nom du groupe et la pochette? Il y a un autre couloir plus sombre et des escaliers. Là-haut, peut-être. D'autres pièces. Une, deux, trois et un long couloir avec une ou deux portes ouvertes sur des chambres et une salle d'eau et encore une autre et le couloir continue encore et semble s'arrêter dans une pièce suffisamment grande pour que le fond soit noyé dans l'obscurité. En bas, une porte qui s'ouvre sur l'extérieur. La gare n'est pas loin, à quelques rues. Il y a un raccourci. Mais la rue monte et zigzague. L'ascension est interminable, mais offre un panorama grisant sur la ville, ses parcs, ses arbres, ses immeubles et ses maisons, dont les toits défilent lointains, et puis du ciel, et puis du noir, et puis les draps et le mou de l'oreiller, les taches du soleil sur le mur et les chiffres en bâton rouge qui clignotent. Bonjour Anna. Est-ce que tu nous entends ? Juliette, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Merci Sophia déjà pour ce texte. On a eu un petit peu de mal avec la connexion là, mais ça y est, on y est arrivé. On est super contente de t'avoir en ligne. Merci à toi de te rendre disponible pour ces quelques minutes avec Anna, la baladeuse. Allô ? Comment ça se passe, ton voyage ? Est-ce que tu rêves bien ? Est-ce que tu rêves différemment dans France ? Puisque c'est un peu la question de ce qu'on discutait tout à l'heure. À quel point notre environnement peut agir également sur nos rêves ? Bon, on réessaye. Hein. Tu m'entends ? Oui, voilà. À toi la parole. Oui, je t'entends. Et tu peux continuer de parler là pour peut-être raconter ce que tu vis toi en ce moment, où tu es là en ce moment. Ah, c'est beau la technologie. Moi, je viens de recevoir ton message. Donc, bonjour à tous. Donc du coup, moi, je suis Anna et je voyage toujours dans l'Europe avec mon cher Meïka. Donc moi je voulais vous partager ma vision du rêve et donc ce que je suis en train de réaliser en ce moment. Donc c'est un rêve qui va vraiment vers la découverte de soi. Donc mon rêve là, c'est... je m'entends parler. Si, c'est normal. Je vais peut-être couper le son. Hop. Je voulais couper le son pour pouvoir parler correctement. Alors, donc, du coup, c'est donc, le rêve que j'aimerais vous partager. C'est un rêve de petite fille. Donc, en fait, depuis petite, je rêve de grands espaces, de nature, de neige, du Grand Nord et des chemins de traîneau. Et c'est vrai que bah, pour beaucoup de personnes, quand je parlais de ça, c'était un peu irréalisable, un peu fou, un rêve un peu fou. Mais pour moi, c'est devenu plus une quête de découverte de soi, de réalisation, en fait. Et donc, du coup, là, je suis partie. Donc, je suis à la porte de ce grand rêve. Dans quelques heures, je prends le bateau. Donc, je suis actuellement au Danemark, après plus de 5 mois de voyage, et dont un mois seul avec en sac à dos. Je suis prête à aller du coup en Norvège et en Suède pour découvrir pendant plusieurs mois le métier de meucheuse de chien de traîneau. Donc voilà, je suis très très excitée de commencer cette aventure, ce rêve. Et donc pour moi aussi c'est un rêve de femme parce qu'en fait c'est un voyage que je fais maintenant depuis plusieurs mois et je me rends compte que c'est un voyage où je suis capable en fait de réaliser ces objectifs seule et donc j'ai besoin de personne. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et c'est aussi un voyage pour moi intérieur car ça me permet en fait de me retrouver aussi avec moi-même, d'aussi apprendre à m'aimer, de me faire confiance et de me découvrir en fait aussi chaque jour. Donc c'est quand même un gros rêve qui se réalise pour moi. Et bien sûr, je me suis beaucoup posé la question si est-ce que ce rêve devait juste si je devais le réaliser ou si ça devait juste rester un rêve. Et je pense que j'avais pas mal de peur, j'hésitais beaucoup, la peur d'être déçue, que la magie s'enlève, on va dire, une fois réalisée. Mais je suis très heureuse, en tout cas aujourd'hui, de le tenter. Et je pense que le plus gros risque, c'est de ne pas l'essayer. Donc aujourd'hui, j'écoute ma petite voix intérieure qui me dit « Allez, vas-y Anna, lance-toi dans ce rêve et vis ce que tu as à vivre ». Et puis dans cette aventure, j'ai mon chien Maïka qui est mon petit chien de traîneau à moi et qui me pousse aussi chaque jour et qui me rappelle quel est mon objectif de ce rêve et mon objectif de voyage. Donc elle est là aujourd'hui à mes côtés et j'en suis vraiment ravie. Et donc voilà, ce rêve aujourd'hui qui devient réalité, qui pour beaucoup est un peu fou, mais pour moi, en tout cas, veut dire beaucoup. Je pense aussi que c'est un moyen pour moi de faire ce que j'aime et que je me sens... tout est très simple, en fait, et tout... parce que je sens que je suis aussi à ma bonne place. Et c'est aussi, pour moi, quelque chose, ce voyage, qui permet de prouver aussi aux autres qu'on est capable de faire des grandes choses et qu'il faut écouter aussi sa petite voix intérieure et ses rêves d'enfant. Donc tous les petits enfants, tous les petits garçons et petites filles qui m'écoutent, c'est voilà, si vous avez des rêves, allez-y à fond, tentez-les pour pas avoir de regrets. Et des fois, il suffit juste d'avoir un premier pas, d'essayer d'avoir un peu plus confiance en soi. Et de faire comme si la peur n'existait pas et puis de se lancer. Voilà. Merci Anna pour cet entretien téléphonique de l'autre côté de l'Europe. Voilà, et à très bientôt. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Merci. Voilà, donc on a eu cette chance d'avoir Anna au téléphone du Danemark et qui va monter jusqu'en Norvège. Et par rapport à ce que nous avons discuté jusqu'à présent, à savoir le rêve, le voyage en fait-il partie ? Voilà, donc je donne la parole à nos invités, s'ils veulent bien la reprendre. On était en train de débattre, il y a eu un bug micro de discuter autour d'une utopie qui s'appelle le Monte Verita dans les années 20 avec beaucoup de gens qui ont été des pionniers de la danse expressionniste par la suite et on se demandait sur quoi on va rebondir parce qu'en fait il y a plein de livres dans le studio et on a plein d'idées mais on s'était dit quand même qu'il fallait absolument qu'on parle de poésie. Et je crois qu'Antoine, tu avais une chose très belle à nous partager. Ouais, je voulais parler de poésie, mais comme on est dans le rêve, aussi de rapport à la réalité. On oppose souvent les réalistes aux rêveurs, et alors que en fait, on est tous tout ça à la fois. Et la poésie, c'est une manière de s'exprimer qui nous arrache justement à la réalité, mais pas pour dire des choses fausses, mais peut-être des choses encore plus vraies. Et Jean-Pierre Siméon, qui est l'une des personnes en France qui milite pour la place de la poésie, il écrit souvent que la poésie, c'est une réalité augmentée. Là où ce qu'on nous vend comme de la réalité augmentée, à savoir des gens avec des lunettes qui se connectent à Internet et qui sont totalement isolés du monde, ça serait ça la réalité augmentée. Lui, il dit non, la réalité augmentée, c'est la réalité du poète. Et je voulais en profiter pour vous lire un petit extrait de quatre vers d'un poète qui s'appelle Christophe Manon dans un livre qui s'appelle « Vie et opinion » de Gottfried Greul au dernier Télégramme, c'est la maison d'édition. Et dans ce livre, Christophe Manon a imaginé ce personnage, Gottfried Greul, qui parle de manière poétique et qui s'exprime sur des choses toutes simples, sur la réalité donc, mais comme un poète. Et j'en ai trouvé un où il parle du rêve, justement. Alors je vous lis ces quatre vers, donc c'est une manière de parler du rêve, pas à la Freud, mais à la Christophe Manon. « Rêver, c'est regarder penser le sommeil extrême, C'est du cinoche gratis qui se fait en silence. Parfois, Greul rêve quand il est en éveil, c'est pas pareil. Il regarde sans s'apercevoir. Quel soulagement. Voilà. Alors, Freud aurait jamais dit ça du rêve, mais à la fois, clair. Quand j'entends ça, j'ai l'impression peut-être d'accéder à quelque chose d'encore plus vrai que ce que disait Freud. Moi, ça m'intéresse beaucoup, surtout qu'on va avoir une petite danse radioguidée du jour, et c'est souvent ce que j'oppose à l'IA, c'est le vivant, la réalité, ce que Siméon appelle la réalité augmentée, c'est apprendre à voir aussi. Là, dans les studios de Radio Dio, il y a les arbres d'automne, c'est assez incroyable. Peut-être, Antoine, tu veux rebondir ? Eh ben moi, j'avais envie de vous parler d'un projet littéraire qui me tient à cœur, un projet fou, digne d'un rêve que l'IA n'aurait pas pu imaginer, bien sûr. Ce projet, c'est celui d'un écrivain qui s'appelle Michel Jacobi et qui a eu l'idée de composer un ensemble de 676 biographies. Projet qui l'intitulerait Humanitatis Elementi. Alors vous allez me dire pourquoi 676 676 c'est 26 par 26. Et donc le projet de Michel Jacobi c'est de faire 26 livres composés eux-mêmes de 26 biographies classées dans chaque livre par ordre bien sûr alphabétique. 26 comme le nombre des lettres de l'alphabet. Et le quatrième volet de ce projet complètement dingue et fou, il s'appelle « Songe à ceux qui songèrent » et il est dédié à tous les rêveurs et les rêveuses par-delà les époques et les civilisations. Alors, on retrouve dans ce livre une courtisane japonaise du Xe siècle, aussi poétesse que rêveuse dont les rêves sont emplis d'érotisme. On trouve un mathématicien du XVIIe siècle, fou de mathématiques. On trouve à la lettre J, Juana Inés de la Cruz, une religieuse mexicaine du XVIIe siècle. On trouve un scribe égyptien. On trouve Robert Desnos, grand artisan poète du rêve. Et on trouve étonnamment à la lettre T, un certain Donald Trump. Incarnation ultime du rêve américain. Waouh, ça fait peur. Le rêve peut être lié au cauchemar. Ah ouais, c'est clair, carrément. On a beaucoup parlé de rêve, on n'a pas trop parlé de cauchemar, même si je pense qu'on a des cauchemars assez similaires au début de l'émission. Et peut-être. C'est la danse radio guidée maintenant. Ah, il est l'heure de la danse radio guidée. Bah oui, ça va être l'heure de la danse. Hein. Je suis désolé, mais il est déjà 11h15 sur Radio Dio. C'est ça d'être avec donc, des gens intéressants. Des gens passionnants, on a envie de les écouter encore et encore, mais voilà. Danse radio guidée. La danse radio guidée du jour est un rêve éveillé, ou un éveil vers le rêve. On ne peut pas faire ici l'expérience dans un temps qui serait effectivement plus celui du rêve que de la réalité, mais je vous invite à le prendre ce temps aujourd'hui ou à un autre moment. Restez où vous êtes et peut-être, si vous le pouvez, mettez-vous debout, sinon restez dans une position confortable. Je vous invite à fermer les yeux comme un signal pour le corps de s'écouter rêver, à faire le noir autour de vous, à laisser l'inconnu vous envelopper. Sentez votre poids qui se dépose sur le sol, dans vos pieds peut-être, et votre tête qui s'allonge vers les étoiles. Sentez-vous entre le centre de la Terre et les étoiles. Je vous invite à tomber dans votre propre corps, à tomber sans pesanteur, à flotter peut-être, à dériver, comme dans l'espace. Notre corps est constitué de plusieurs matériaux, parmi lesquels de la poussière d'étoiles. C'est une information réelle et concrète. Plongez concrètement dans la matière pour ouvrir les possibles. Qu'est-ce que cette information produit comme sensation, comme changement? Où la sentez-vous le plus? Vous apporte-t-elle de la légèreté, de la pesanteur, du rêve, autre chose? Cherchez dans votre corps, peut-être en le mettant en mouvement peut-être avec des grands mouvements, mais peut-être aussi avec des petits mouvements, des micro-mouvements. Comment cette information transforme, ou pas, votre manière d'être au monde? En dansant, mais peut-être juste en marchant, ou simplement en étant immobile. C'est cette poussière qui prend le lead de la danse et elle vous livre quelque chose. Un peu comme une carte de tarot, votre danse radio guidée vous délivre un message comme vos rêves. Continuez encore un peu cette danse. Gardez en tête que vous déplacez de la poussière d'étoiles chaque jour dans vos quotidiens. Et peut-être imaginez ce qu'elle fait lorsque vous dormez. Pour terminer, je vous invite à trouver un geste comme pour marquer la fin du rêve, la fin de la danse. Le temps qui suit vous appartient tout comme vos rêves. Notez, savourez, recommencez. Merci Julie pour cette danse radio guidée du jour. Alors maintenant, on est presque à la fin de l'émission. On a encore le point qu'on fait comme à l'accoutumée, à savoir l'agenda. Voilà, donc plusieurs choses à dire. Quelque chose que je n'ai pas assez précisé tout à l'heure, c'est que Lily Frick, dont on a entendu un morceau, « Tu t'appelles comment ?», est une poétesse qui a publié un certain nombre d'ouvrages et qu'on retrouvera sur la bibliographie qu'on postera au niveau du podcast quand il sera fait. Et à propos d'Effia Burek, dont on a entendu tout à l'heure 5 minutes de présentation de son travail de chorégraphe en atelier, et dans son atelier se fondre à la matière plus précisément, eh bien, il y aura une performance, plutôt un labo mensuel qui sera organisé à la FAPCA le 8 novembre. Et il y en a un par mois, vous pouvez aller voir sur leur site. Donc il y a aussi un dimanche matin, lors de la fête de la comète, le 23 novembre de 10 à 13 heures, dans la salle de danse, un atelier se fondre dans la matière également. Voilà, et comme l'a dit Julie, la FAPCA, c'est un lieu qui existe à Saint-Étienne depuis un certain nombre d'années, qui propose à la fois des ateliers et des temps de performance publique, comme ce 1er novembre, où à 20h, il y aura une performance vivante associant cinéma, espace et musique acoustique. Et Fiak Burek a à la fois aussi sa compagnie Djalma, donc tout simplement www.djalma.com. Voilà, et quelques autres informations concernant son travail au niveau de ses spectacles qui auront lieu le 12 décembre à Ramdam à Sainte-Foy-les-Lyons et le 18 octobre 2026 du coup à La Comète, et c'est son spectacle Cytothèque. Pour continuer dans l'agenda, au Choc Théâtre, le 6, 7, 8 novembre, il y a de l'amour dans l'air. Le Quatuor Les 5 Valentins nous propose leur cabaret musical à 20h, comme à l'accoutumée. Sera suivi par le spectacle Familiarité le 20 et 21 novembre par la compagnie Les Yeux Bavards, un conte théâtralisé autour de la famille et des photos de famille dans des petites boîtes. Au Verso, nous aurons Buster My Love au 18, 19, 20, 21 novembre par la compagnie des Trois Batailles. C'est à la fois une conférence, c'est à la fois un spectacle, c'est à la fois un théâtre d'objets. Nous aurons également des ateliers par la compagnie Le Cabaret des Démolis. Oui. Oui, alors peut-être tu veux en parler, Sophia, d'ailleurs. Oui, bah, ça fait bizarre quand même de faire son autopromotion comme ça. Enfin bon, faut ce qu'il faut. Voilà quoi. Oui, alors, j'ai même pas les dates sous les yeux, tu vois, j'étais même pas préparé à l'annoncer. Moi, je les ai. Alors, voilà. C'est 15 et 16 novembre et le 22 et 23 novembre, j'ai même une adresse mail, cabaret des démolis. Alors, démolis, c'est 2 L-I-E-S@gmail.com. Oui, Donc c'est un atelier, enfin c'est deux stages que je propose ces week-ends là, donc on vient pour le week-end, et c'est des stages sur l'alexandrin, voilà, comment faire comment dire de l'alexandrin en théâtre. Donc on va se coltiner un petit peu, on va mâcher la langue, on va la casser, on va la remonter pour essayer de trouver le parler qui se cache derrière cette forme un peu particulière quand même, parce que voilà, avec des petites scènes et pas que du Molière. D'ailleurs, j'ai trouvé des autrices du XVIIe siècle. Donc on aura des textes d'autrices pas connus, mais en tout cas de quoi s'exercer sur l'alexandrin. Et je vois que, ben dis donc, il y a la tempête là qui souffle dehors, c'est assez incroyable. Et on va finir, voilà, on court un peu à la fin, on a même un petit peu d'avance là maintenant, donc du coup c'est un peu bizarre, mais c'est rare. Oui, on est, voilà, là on en est aux au revoir, déjà. Donc déjà. La réalité, là, c'est la fin du rêve, on se réveille, c'est le réveil qui sonne. Ça y est, c'est terminé ou pas? Non, on en est où? C'est un peu dur d'appeler à se réveiller. Vous avez peut-être un agenda, vous aussi, des choses qui vont se passer dans vos librairies. Vous faites peut-être des animations, des choses comme ça, des livres à venir, des auteurs, j'en sais. Je commence, oui, je commence par l'agenda de la librairie l'une et l'autre. Au mois d'octobre, novembre, on a plein de choses en vrai pendant cette période. Je vous invite à aller voir, à passer à la librairie ou à aller voir sur les 10 réseaux sociaux ce qu'on propose. Peut-être une date ou deux à mentionner. Pour la première fois, on fait un concert intimiste avec un chanteur. Compositeur interprète stéphanois qui s'appelle Christopher Murray et qui va venir chanter dans la librairie. Je salue le camarade Murray. Voilà, quand il m'a dit qu'il avait enregistré un texte d'Alain Leprest dans son dernier album, je lui ai dit bon, tu vas venir chanter à la librairie d'une manière ou d'une autre, et voilà, on a trouvé la date, ça sera mercredi 12 novembre à 19h. Voilà, comme c'est vraiment en intimité, on a une vingtaine de places, donc si vous voulez venir réserver vos places. Voilà. Et puis la semaine d'après, on invite un archéologue qui s'appelle Jean-Paul Demoule et dont le livre La France éternelle bat en brèche peut-être un rêve qui est celui de l'extrême droite qui a toujours rêvé une France chrétienne blanche, immuable et éternelle. Et Jean-Paul Demoule, dans son livre La France éternelle, donc, qui vient de paraître à La Fabrique, nous rappelle que depuis son savoir d'archéologue et de spécialiste des migrations, la France n'est qu'un agrégat de peuples qui n'ont eu de cesse de se grand remplacer, entre guillemets. Et Antoine, toi, alors bon? Peut-être. C'est plus loin, mais j'invite les Stéphanois, les Stéphanoises à venir nous... Courir à Cadenet. Ouais. En vélo, ça se fait. À venir nous grand remplacer dans le sud Luberon. Mais nous aussi, avec Sandrine, on organise pas mal de manifestations, d'événements à la librairie et en dehors. Là, à venir, on a une dédicace pour les plus jeunes avec un auteur jeunesse qui s'appelle Antonin Louchard et qui habite dans le village où on est et qui est publié par le Seuil Jeunesse et qui va dédicacer son dernier album qui s'appelle Service Premium. Ça, c'est le samedi 8 novembre de 10h à 13h. Et après, le fin novembre, le 21 novembre, on a la chance de recevoir Éric Sadin, qui est un philosophe et qui fait paraître là ces temps-ci deux livres à propos de son travail critique sur l'intelligence artificielle. Il y en a un qui s'appelle Le désert de nous-mêmes, qui est sorti aux très bonnes éditions L'Échappée, et un autre qui est aussi sorti à L'Échappée, dont j'ai oublié le nom, mais qui est plutôt un livre d'entretien pour revenir sur tout ce travail qu'il a fait depuis de longues années sur l'intelligence artificielle. Et il a un discours sur cette technologie de mort qui est, selon moi, l'un des plus importants à écouter en ce moment. C'est une sorte de cri d'alarme pour justement nous appeler peut-être à j'allais dire à nous réveiller, mais peut-être même à retrouver l'esprit du rêve et de l'imagination par rapport à l'esprit de l'algorithme qui nous envoie dans un mur assez bizarre. Voilà, et puis à la toute fin du mois de novembre, il y a un festival que ma collègue Sandrine organise qui s'appelle Livres et Gastronomie, donc tout est dans le titre, des livres, de la gastronomie, des bonnes choses, des belles lectures, des ateliers, enfin voilà, venez dans le sud. Alors merci beaucoup Antoine de l'une et l'autre, et je remercie particulièrement Antoine Frey parce qu'on est quand même amis depuis très longtemps, qui est venu aujourd'hui. Je pense qu'il n'y avait pas de meilleur sujet pour t'inviter, le rêve, ce qui me permet, magnifique transition, d'annoncer l'émission de novembre autour de l'amitié. Donc on pourra peut-être inviter Antoine. C'est vrai qu'on a encore des trucs à dire. On n'a quand même pas dit merci à toute l'équipe des baladeuses. Et merci puis, Sophia. Je voulais quand même finir avec un petit coucou à Claudie qui doit nous écouter actuellement. Et on est l'heure de rendre l'antenne. Oui, on a encore une petite minute, mais tu l'as dit. Donc l'année prochaine, dans les balades, on tournera autour de l'amitié, des amitiés, des liens, de pluriel. Peut-être rajouter la date. C'est le 26 novembre. Ah, le 26 novembre. Voilà. Donc sur Radio Duo, de 10h à 11h30, comme. Tous les quatrièmes mercredis du mois, voilà. Eh bien, merci à tous. Merci. Longue vie Radio Dio. Merci. Oui, longue vie Radio Dio. 89.5. Au mois prochain. Au revoir. Attention, attention, nous arrivons en gare des baladeuses de 10h à 11h30, le quatrième mercredi du mois, sur Radio Dio 89.5. Veuillez prendre garde de ne rien avoir oublié dans le train avant de descendre. Prenez garde à la marche en descendant.